fontaine des quatre dauphins, tout près de chez moi, à Aix-en-Provence. Des enfants, des touristes qui passent, parfois des voitures. Et des motos aussi.